Ainsi se termine votre nuit rêvée, Marie-Paule Bell, une nuit rêvée au cours de laquelle vous avez rendu hommage à Françoise Malé-Joris, à Michel Grisolia, à la Corse, en tout cas à ses fromages, mais aussi à Marie Dubas, à Cora Vauquer à l'instant, à Offenbach. Et vous avez voulu aussi parler de la pensée tibétaine et de Gustav Klimt. Alors, toutes ces émissions sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Encore une fois, c'est très éclectique ce choix d'archives. Oui, mais ne sommes-nous pas nous-mêmes éclectiques? On est fait de plusieurs facettes, comme dans les sentiments. Je veux dire, moi-même, dans mes compositions, je suis très éclectique. J'ai écrit des chansons très tristes, des chansons engagées, enfin, je veux dire, des rythmiques un peu dures, des chansons très sautillantes, des mélodies tout à fait romantiques. Donc, ça correspond au sentiment. La vie est faite de rires, de pleurs. Nous sommes complètement, nous passons d'une émotion à l'autre dans la vie et donc d'un climat à l'autre. Donc, nous sommes éclectiques. Donc, ça reflète ce que nous sommes, je pense. Votre nuit rêvée, Marie-Paule Bell. Et puis, de toute façon, comme vous êtes sur scène souvent aussi, il est normal de passer. Vous n'allez pas enchaîner 10 chansons sautillantes et joyeuses. Non, j'adore les ruptures et même les ruptures très violentes quelquefois. Oui. C'est-à-dire que je peux passer d'une chanson extrêmement grave avec un silence qui se prolonge, où on n'ose pas respirer, à quelque chose de complètement farfelu et endiablé dans les 8 secondes qui suivent. Et le public vient vous parler à la fin du spectacle? Ah ben au contraire, je veux dire, je le demande, je l'espère. Et je ne fais jamais un seul concert sans signer après, pour justement voir ce qui est passé, parce que ça m'aide aussi à savoir ce qui est reçu, ce que j'en vois, ce qui est... les gens me racontent leur vie, c'est formidable. Et justement, ils me disent merci. Ça a l'air prétentieux ce que je dis, mais bon, tous les artistes doivent ressentir ce que je dis. Si l'on vient, c'est parce que l'on aime la personne qui est sur scène, bien sûr, je veux dire, sinon ils restent chez eux, donc on a de la chance. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Je serais malhonnête de dire le contraire. On est très heureux d'entendre et de voir qu'on a donné de la joie. Alors, vous avez rendu hommage, je l'ai dit, à Françoise Malé-Joris et à Michel Grisolia, mais vous avez aussi quand même une nouvelle parolière. Oui, une nouvelle parolière qui s'appelle Dominique Valls et qui a un peu pris le relais de Françoise. D'ailleurs, elles se sont rencontrées et je sais que Françoise aimait bien ce qu'elle écrit. Elle écrit aussi des pièces de théâtre et elle a écrit aussi une... comédie musicale, un spectacle pour enfants. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par l'intermédiaire de notre éditeur commun. Et moi, je voulais absolument pas écrire pour les enfants. Et je veux dire, il m'a dit, si, tu dois la rencontrer parce que c'est magique. Et bon, j'ai dit, bon, allez, vraiment, entrer dans les pieds. Et quand j'ai vu ce qu'elle écrivait, c'était tellement poétique, tellement très joli. Elle a écrit des poétines pour enfants, etc. Et alors, on a commencé à écrire comme ça pour ce spectacle-là. Puis après... on a eu vraiment envie d'écrire des chansons ensemble et l'album de 2011, on a commencé à écrire des chansons vraiment aussi bien, toujours éclectiques, je vais garder votre mot, et aussi, elle m'a écrit aussi bien des chansons vraiment, même des chansons coquines même, et en même temps des chansons très... poétique et en même temps très forte et grave. Et la chanson, il y a deux chansons auxquelles je pense. Il y a une chanson qui s'appelle « Assez » qui parle de la violence faite aux femmes et une chanson qui s'appelle « Celle qui aime » qui parle de l'amour entre deux femmes et c'est très bien écrit. Et je voulais déjà, ça faisait longtemps que je voulais chanter une chanson qui parle de ce thème-là. J'avais demandé à Françoise, puis c'était pas venu. Je veux dire, on n'avait pas trouvé les mots et là... Dominique Valls a su trouver les mots justes et en même temps c'est écrit avec énormément de pudeur et de réserve et en même temps avec des mots justes. Donc ça c'est ce que j'aime et on ne fuit pas le sujet et en même temps c'est une chanson qui sur scène a énormément d'impact parce que je veux dire, les personnes qui se sentent concernées par la chanson, comme moi-même d'ailleurs, se retrouvent et viennent me le dire justement après le spectacle quand vous me demandiez si je rencontrais les gens. Oui, ils me parlent de ce genre de choses et ça me fait très plaisir que ça, au moins si une chanson peut les aider. Eh bien, on va l'écouter, cette chanson, Marie-Paul Bell. Merci Marie-Paul Bell, c'était donc Votre Nuit Rêvée, Philippe Garbi, Jean-Louis Deloncle, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet. Donc toutes ces émissions, on l'a dit, sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Et donc on termine par Celle qui aime elle. Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille, juin 1950 à Belle-Île. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville on en parlait tout bas. Les mots de haine, ce qu'on entend à peine, les ont fait pleurer bien des fois. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aime elle. Et moi qui sais le prix de leurs amours rebelles, moi qui suis mi-voyou, mi-voyelle, si j'ai choisi d'aimer un triangle isocèle, je peux vivre au grand jour grâce à elle. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville on les montrait du doigt. Les mots qui glissent, les regards en coulisses, les ont fait douter d'elle quelquefois. Pour toucher le ciel, elles avaient besoin d'elle, besoin d'elle. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aime elle. Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille,